Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 1er, 5e paragraphe. L'Arche d'Alliance, le Temple de Salomon. Nous ne pouvons douter que l'Arche d'Alliance n'ait été une figure de Marie, puisque l'Église elle-même donne à cette auguste Vierge, le titre d'Arche d'Alliance. L'Arche était une espèce d'urne ou de sanctuaire formé d'un bois précieux, et revêtu au-dedans, aussi bien qu'au dehors, d'un or très pur. L'intérieur ne renfermait que les tables de la loi, voir Exode 25, 10 à 22, l'Arche était considérée comme le siège de Dieu, et s'appelait son marche-pied, 1 Chronique 28, 2. Elle était entourée de chérubins et ornée de couronnes très précieuses. On voit combien toutes ces circonstances sont propres à représenter la Sainte Vierge. Le bois incorruptible dont l'arche était formée marque évidemment l'incorruptibilité immaculée de cette Vierge, confère Saint Bernard en divers emplacements. L'or très pur qui la recouvrait au-dedans et au-dehors, figure, si je ne me trompe, la charité ardente de Marie, cette charité, dont nous devons être revêtus, embrase intérieurement le cœur de Marie et brille à l'extérieur dans ses actions. Aussi remarquons-nous que l'Esprit Saint, en faisant son éloge et en louant les qualités qu'elle fait paraître à l'extérieur, ajoute souvent ces mots, sans parler de ce qui est caché à l'intérieur, Cantique 4, 3. Dans l'arche, il n'y avait autre chose que la loi de Dieu, dans Marie il n'y eut d'autre loi que la loi divine, loin d'elle la loi des sens, la loi des passions, la loi du péché, toutes les actions tant intérieures qu'extérieures de Marie, furent toujours la vive image de la loi de son Dieu. Elle est entourée comme d'une couronne de chérubins qui font la cour à leur reine. Bien que nous ne voulions pas dire que les chérubins, avec leurs ailes mystérieuses, aient tenu Marie cachée à elle-même, ils la voilèrent cependant de leur ombre, en qualité de ministre de l'Esprit Saint, Luc 1, 35, afin qu'en la dérobant, pour ainsi dire, à ses propres yeux, elle ne fut attentive qu'à son Dieu, et à la loi d'amour qu'il avait déposée dans son cœur. L'arche est ornée d'une couronne d'or et d'une auréole, ce qui représente sans doute la couronne de gloire qui fut déposée sur le front de l'auguste reine des cieux et qu'elle portera éternellement en signe de triomphe. Sagesse 4, 2. Triomphez, ô Marie, triomphez, vous qui avez reçu de la très sainte Trinité une couronne si glorieuse, si magnifique, vous avez été le siège où Dieu s'est reposé dès le premier instant de votre existence, Dieu salue sa demeure en vous, et Dieu seul est au-dessus de vous. Vous avez été le trône de Dieu, et Dieu a destiné toutes les autres intelligences créées à vous servir de trône, toutes vous étant inférieures en gloire, aussi bien qu'en mérite. Oh que je me réjouis, que mon cœur tressaillit en pensant à la gloire immense dont vous êtes couronné. Et quel fils ne serait transporté de joie à la vue d'une telle mère? Régnez donc, ô ma mère, sur les armées des cieux, mais régnez aussi, je vous en prie, sur mon âme. Et quoi? Serait-il possible que, dominant sur toutes les créatures, vous ne fussiez pas encore parvenu à dominer sur mon cœur, à daigner y graver cette loi d'amour qui fut imprimée dans le vôtre, effacez en toute autre loi que celle de Dieu, que je ne sois plus attentif qu'à la volonté de mon Dieu. Faites au moins qu'aucune autre loi ne puisse prévaloir en moi sur la loi de mon Dieu, que je l'observe avec fidélité durant cette vie, afin d'avoir part un jour à la gloire dont Dieu vous a comblé. Il n'y eut rien de plus auguste ni de plus célèbre dans les temps anciens que le temple de Salomon. Je serais trop long si je voulais me mettre à décrire sa construction, sa forme et ses magnificences étonnantes. J'en dirai seulement quelques mots, et nous verrons ce qui peut s'appliquer à Marie, notre tendre mère. Ce temple fut construit par un roi pacifique, choisi de Dieu pour cette entreprise. Ce roi fut doué d'une sagesse extraordinaire qu'il déploya tout entière dans l'exécution de ce magnifique ouvrage. Il mit en œuvre tout ce qu'il y avait de plus précieux, nous pouvons le dire, dans le monde entier. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que cet immense édifice s'acheva dans un ordre si parfait, un calme si profond que l'on n'entendit aucun bruit, pas un seul coup de marteau, parce que toutes les pièces étaient préparées d'avance et qu'il suffisait de les mettre chacune à sa place. Dieu choisit ce temple pour être le lieu où il établirait sa demeure, et d'où il écouterait avec bonté les prières de ceux qui auraient recours à lui. Mais y a-t-il là quelque figure de Marie? On n'en peut guère douter, puisqu'elle est appelée par l'Église le temple du Seigneur, le sanctuaire de l'Esprit Saint. Voyons donc si les circonstances que nous avons rappelées lui conviennent. Nous nous convaincrons qu'elle se vérifie en Marie de la manière la plus parfaite, et que l'objet surpasse infiniment la figure. Pour la construction du temple, Dieu choisit un roi pacifique, un roi très sage, mais pour la formation de la très sainte Vierge, il voulut s'employer lui-même, il voulut, dis-je, mettre en œuvre sa sagesse infinie pour exécuter un si magnifique ouvrage, Proverbe 9:1. Salomon apportait tant de soin à la construction de cet édifice, que parce que c'était à Dieu, et non pas aux hommes, qu'il préparait une demeure. 1 Chronique 29 1 Dieu aussi mit tous ses soins à former le cœur de Marie, parce qu'il le formait pour lui-même. Qu'y a-t-il donc d'étonnant que la sagesse et la magnificence de Dieu eussent déployé tout ce qu'il y a de plus excellent? Qu'y a-t-il d'étonnant que les fondements même de l'édifice fussent formés de pierres précieuses? Les fondements de la sainteté de Marie furent tels qu'ils eussent mis le comble à la gloire des plus sublimes intelligences. Et si tels sont les fondements, que sera-ce de l'édifice? Ô Dieu! Dans ce temple que tout est magnifique, que tout est divin, on n'y voit aucune partie qui ne soit recouverte de l'or pur du plus parfait amour. Les richesses y perdent en quelque sorte de leur prix, à cause de leur immense profusion. Dans la construction de ce palais admirable, tout procède avec paix, avec calme et avec ordre, il n'y a pas en Marie la moindre confusion. En elle se trouve aussi la haine, l'amour et les autres passions, mais elle se trouve si bien réglée que chacune prend naturellement la place qui lui convient. Rien dans Marie ne résiste aux opérations de la grâce, tout en elle est disposé avec ordre. Le temple est achevé, ce magnifique ouvrage a atteint sa perfection. À quoi servira-t-il? Ce sera le palais du Tout-Puissant, le trône où on le trouvera toujours assis pour écouter et exaucer les supplications de tous ceux qui viendront l'invoquer. Que tardons-nous donc? Allons, à l'exemple de Salomon, nous prosterner à genoux devant cet auguste sanctuaire, pour adresser à Dieu les paroles mêmes du roi très sage? Oui, mon Dieu! Me voici dans ce temple que vous avez construit, pour y écouter mes prières. Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à vous, ni dans le ciel, ni sur la terre, vous conservez l'alliance et la miséricorde que vous avez promise à vos serviteurs. À ceux qui marchent devant vous dans toute la sincérité de leur cœur, vous gardez inviolablement votre parole, ainsi que nous le voyons aujourd'hui. Faites voir présentement, Seigneur, la stabilité de vos promesses. Ayez les yeux ouverts sur cette maison, et le jour et la nuit, afin d'exaucer les prières que votre serviteur vous y adresse. Écoutez, Seigneur, quiconque vous invoquera en ce lieu. Lorsque votre peuple sera vaincu par ses ennemis, car il péchera, Seigneur, je le sais, et que rentrant en lui-même il fera pénitence et viendra faire ses prières dans ce temple, exaucer le Dieu des cieux, et pardonner-lui ses péchés. Lorsque le ciel sera fermé pour votre peuple, et qu'il reviendra vous prier dans ce temple, exaucez, Seigneur, exaucez ses vœux. 2 Chroniques 6, 14 et suivants. Voilà le lieu où nous devons prier, si nous voulons recevoir du Seigneur l'abondance de ses grâces et de ses miséricordes. Recourons au temple que Dieu s'est construit, recourons à Marie. Les suppliques que nous adressons par ses mains ne peuvent être rejetées. Si quelqu'un en doutait, qu'il en fasse l'épreuve, et il sera bientôt convaincu par sa propre expérience. markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.